Vous ignorez l'amour de tous les citoyens pour leur saint Frusquin, reprit-il après cette pause. Pardon, écoutez-moi bien, saisissez ce raisonnement. Vous voulez 200 000 francs? Personne ne peut les donner sans changer des placements faits. Comptez, pour avoir 200 000 francs d'argent vivant, il faut vendre environ 7 000 francs de rente 3%. Eh bien, vous n'avez votre argent qu'au bout de 2 jours. Voilà la voie la plus prompte. Pour décider quelqu'un à se dessaisir d'une fortune, car c'est toute la fortune de bien des gens, 200 000 francs, encore doit-on lui dire où tout cela va, pour quel motif. Il s'agit, mon bon et cher Crevel, de la vie de 2 hommes, dont l'un mourra de chagrin, dont l'autre se tuera. Enfin, il s'agit de moi, qui deviendra folle. Ne le suis-je pas un peu déjà ? Pas si folle, dit-il en prenant Madame Hulot par les genoux. Le père Crevel a son prix, puisque tu as daigné penser à lui, mon ange. Il paraît qu'il faut se laisser prendre les genoux, pensa la sainte et noble femme en se cachant la figure dans les mains.